J'ai pris un grand whisky avec de la glace. La glace m'a rafraîchi, mais le whisky m'a donné chaud. Après ça, j'ai seulement bu des jus de fruits et des jus de tomates. Nous avons dansé, nous avons dîné. Heureusement que c'est Luc qui a payé l'addition. Après avoir dîné, nous avons recommencé à danser. Nous dansions toujours à 4 heures du matin, lorsque la boîte a fermé ses portes. Je ne pouvais pas croire qu'il était cette heure-là.